après que les poètes ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. Programa de Radiopolis, la chanson sobre la canción francesa. Sans savoir pour qui battait leur cœur. Tengo conmigo a la, en la técnica a Miguel. On fait la la la la la la. Bueno, el 12 de febrero pasado tuvo lugar la entrega anual de premios de la música francesa, que se llama Les Victoires de la Musique, las victorias de la música, en su edición número 31. Esta ceremonia ha cambiado mucho desde el 85 y en su actual formato tiene 12 categorías. Vamos a escuchar candidatos o premiados en distintas categorías. Vamos a empezar con la categoría de Mejor Artista Femenina. En esta categoría ganó Yael Naim. Es una cantante israelí muy popular, afincada en Francia, pero que canta solo en inglés. Entonces vamos a escuchar a otra candidata. Vamos a escuchar a Véronique Sanson. Véronique Sanson, no hemos llegado a escuchar a esta histórica cantante en este programa, y es la ocasión de reparar esta injusticia, ya que ganó la victoria de honor en 2013 y otras tres en toda su carrera. Tiene 66 años y lleva casi 50 de carrera. Algunos de sus temas son unos clásicos de la canción francesa. Marcó su época con sus nuevos ritmos, su voz y la virtuosidad con que toca el piano. Tuvo su periodo americano cuando se fue a vivir con Stephen Stills de Crosby, Stills, Nash & Young, después de ser la compañera sentimental de Michel Berger, otro famoso de la canción francesa. Ambas influencias, la de Michel Berger y la de Stills, son muy determinantes en su trayectoria musical. Vamos a escuchar un tema que se llama Étrange Comédie, Extraña Comedia. En esta canción dice: en las grandes ciudades nada ha cambiado. He cambiado de países, tengo nuevos amigos, amores fáciles. El amor lo busco, que busco en vano, es el tuyo. ¿De qué sirve si toda la vida no es más que una pobre comedia, una canción un tanto desanimada? Bueno, hay que decir que tuvo un periodo muy malo de alcoholismo y esto pues no lleva al optimismo. Escuchamos entonces Étrange Comédie de Véronique Sanson. J'ai changé de pays, soudain. J'ai de nouveaux amis. Mon piano rigole et fait des câlins. Il croit que je suis folle, c'est triste, tu vois. Mais j'ai des clowns pour m'amuser et des amours faciles pour exister. et des gens habiles pour m'épauler. Dans les grandes villes, rien n'a changé. Mais après ça me sert toute ma vie, n'est qu'une étrange comédie. À qui donne l'autre d'avocat, si tout ça me suit. J'aime là l'amour qui balance bien, l'amour que je cherche en vain. Oh, c'est le tien. Et pour que j'aie un sourire sans limite, il me donne d'étranges médecines qui vont du jus d'orange à la cocaïne. Dans les grandes villes, rien n'a changé. Mais à quoi ça me sert, c'est tout. Et à qui donne l'onde d'un regard, si tout s'appuie sur le hasard. Oh, j'appelle là l'amour qui balance bien, l'amour que je cherche en main. Oh, c'est le tien, c'est le mien. Oh, c'est le tien, et c'est le mien. Quand je suis tout seul chez moi, je peux parler un papa, je peux parler une maman, et je sais aussi être immoral. Oh, j'ai les yeux du hasard, c'est fantastique. Mais à quoi ça me sert si tout dit, y'a qu'une étoile de comédie. Je n'aime que toi, je t'aime, je t'aime. Et je t'aimerai toute ma vie. En la categoría Mejor Artista Masculino ganó Vianney. Es su nombre de pila y su nombre artístico. Ganó delante de Dominic A, que tendremos que escuchar un día porque es importante, y Kenji Girac, que escuchamos el mes pasado. Vianney está pegando fuerte con sus solo 25 años y después de su único álbum Idées Blanches, Ideas Blancas. Es todo un personaje. Tiene en su haber una escuela militar, otra de comercio y varios periplos en bici a través de Europa. Vamos a escuchar On est bien comme ça. Estamos bien así. Dice: cogemos caminos distintos tú y yo. ¿Qué nos pasa? Si caes, no importa. En tu mundo me llevarás. Y si me equivoco, estamos bien así. Escuchamos On est bien comme ça de Vianney. On s'en va sur des chemins différents, toi et moi. Mais qu'est-ce qui nous prend? On y croit. Si le ciel est menaçant, je perçois un soleil levant. Et si tu tombes, je ne t'en veux pas. Dans ton monde, tu m'emporteras. Si je me trompe, on est bien comme ça. Oh, oh, on est bien comme ça. Oh, oh, on est bien comme ça. Et on débat sur des sujets qui nous font, toi et moi, nous sentir un peu cons. On n'a pas le bagage qu'il nous faut. Ça, je ne sais pas, mais je t'aime trop. Et si tu tombes, je ne t'en veux pas. Dans ton monde, tu m'emporteras. Si je me trompe, on est bien comme ça. Oh, oh, oh, on est bien comme ça. Oh, oh, oh, on est bien comme ça. Oh, oh, oh, on est bien comme ça. Oh, oh, on est bien comme ça. Et en la categoría Mejor Álbum Revelación ganó Luan con su primer álbum Chambre 12, Habitación 12. Solo tiene 19 años, pero ya ganó un César por su papel en la película La familia Bélier, en la que, además de actuar, cantaba canciones de Michel Sardou. Este primer álbum es un éxito de ventas, ya que en solo un año se ha vendido a más de 500.000 ejemplares. Vamos a escuchar la canción que da su nombre al álbum, Chambre 12. En la penumbra, habitación 12, esa bella sombra que me uno, viajo en solo en mi cama doble, el olor de las paredes canta mi blues, volver una última vez para decirte adiós. Chambre 12 de Luan. Dans la pénombre, chambre 12, c'est sa belle ombre que j'épouse. La lune m'écoute, la nuit me trouble. voyage solo sur mon lit double. La pluie tombe sur la chambre 12. L'odeur des murs chante mon blues. J'y ai cru comme on croit en Dieu. Seul je rejoins ce joint de bœuf. Dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux. Mais qu'est-ce qu'on y peut. Chambre 12. Elle sent l'amour, elle sent la loose. Tout était clair, rien n'était sûr. Il parlait vrai, il parlait dur. À la fenêtre, les taxis passent. Les coupes s'enlacent et puis se lassent. Bouche se touche et puis se casse. Les histoires s'écrivent puis s'effacent. Dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux. Mais qu'est-ce qu'on y peut. Revenir une dernière fois. Pour se dire adieu. Dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux. Mais qu'est-ce qu'on y peut. Pour te dire adieu. Pour te dire adieu. Pour te dire adieu, adieu, adieu, adieu. Pour te dire adieu. Pour te dire adieu. Pour te dire adieu. Pour te dire adieu. Pour te dire adieu. Prometedora carrera. En la categoría Grupo Artista Revelación Escénico ganó Hyphen Hyphen, que canta en inglés, como su nombre indica. Vamos entonces a escuchar otro de los tres nominados, Feu Chatterton. Es un grupo que lleva 5 años y ha ganado varios premios con solo 2 discos. Se reclaman de los poetas románticos y del dandismo en su estilo de vestir. Vamos a escuchar Malinche, canción estrella de su último álbum. Madame, estoy celoso de este viento que le acaricia la mejilla. Viene de las provincias andaluzas. Otro que hace rimar celosa con andaluza, como hemos visto el mes pasado. Descansar contra su piel de caoba cuando me quedo en París, nacida donde Cortés se fue a buscar odio y fortuna, sabes desconfiar de los cobardes ebrios de gloria, las cosas nos escapan tan rápido volverse extraños uno al otro. Escuchamos Malinche de Feu Chatterton. Madame, je jalouse selon qui vous caresse prestement la joue. Des provinces andalouses et panaméricaines, ce vent suave et si doux. Madame, je jalouse. Madame, je jalouse selon qui vous caresse la joue en ces provinces andalouses. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Quand je reste à Paname. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Chaque missive la vois-je. À chaque missive la vois-je. Je crains de vous causer l'ennui, et cette attente comme un missile endolorit ma tête, brèche, brèche. Endolorit ma tête, brèche, brèche. Que deux fois passe le jour et vienne la nuit. Passe le jour et vienne la nuit. Me reviennent toi sur l'autre rive, et tu avec un autre. Les choses nous échappent, pourquoi les retenir par le bout de l'écharpe? Si tu te venir étrange, étrange l'un à l'autre, au cou le souvenir étrange, et je reste à Paname. Tu sais de mémoire ancienne te méfier des braves de leur soif inopportune. Combien de lâches sont venus ici courir chimère à coups de fusil. Ivres de gloire ont-ils pensé que ton cœur serait conquis, percé de flèches et de rancœur, comme tes côtes mexicaines de Malinche, de Malinche. Il n'y en aura qu'une. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. En la categoría Mejor Canción Original ganó Sape Comme Jamais, Trajeados Mejor, Trajeados Como Nunca, del rapero Maître Gims, frente a De L'Amour de Johnny Hallyday, que ganó en la categoría de Mejor Álbum Canciones y que escucharemos a continuación, y a Luan, que ganó en Álbum Revelación. Maître Gims, a pesar de sus 29 años, es el segundo artista musical mejor pagado después de Mylène Farmer y delante de Johnny Hallyday. Nació en el antiguo Congo belga, en la actual République démocratique du Congo, y vino clandestinamente a Francia con sus padres. Su padre es Papa Wemba, toda una leyenda de la rumba congoleña. Forma parte del popular, formó parte del popular grupo de rap Sección Dassault hasta el año 2013. Su precedente álbum, Subliminal, se vendió a más de 1 millón de ejemplares.

Être en couple, ça fait mal que quand il tient un rein. Même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul un rein. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle un rein. En possession de drogue, les jeunes sont fêtards un rein. Quelle ironie de mourir en position fétale un rein. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux un rein. Mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur un rein. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens on y pense. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, on verra bien. Ce soir on ira faire un tour chez l'épicier ouvert en bas. Et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Élevé par une vraie randa, j'ai des valeurs qui verront pas. Être un homme ça prend du temps comme commander un verre en boîte. J'ai le vertige quand je pense à toute la route qui me reste à accomplir. Je suis prêt à casser les couilles si t'as vu, je te laisserai pas conduire. Le temps s'affile, on a peur d'enchaîner les défaites et pirater. Sa vie pas de projet à part mater les DVD pirater. Ah, on verra bien. Tout le monde rend fou, tout le monde est en guerre un hein. Plus on se rend flou, et moins on voit clair un hein. Quand t'as pas d'argent, dans ce monde t'as pas de droit un hein. Y'a ceux qui cassent en tête et ceux qui t'as pas droit un hein. Combien de fois j'ai volé par flemme de faire la queue un hein. Mon papa me croit pas mais ça me sent le tabac froid un hein. On se fait chier au taf, on attend les camps va un hein. On se parle derrière un ordi mais en vrai quand est-ce qu'on se voit un hein. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, vas-y viens on y pense pas. On verra bien, ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, on verra bien. Ici non seulement ça rappe, mais quand y'a un gros sommet ça rappe. Il n'est pas peur des insultes, on se lance aux consonances arabiques. On est tous dans le même bateau, même ceux que l'on aime pas trop. Car l'amour, le son et la bouffe sont devenus consommation rapide. Les jeunes pensent plus à des stars débiles qu'à Martin Luther King. Se lève jamais avant midi, à part le matin d'une perquise. Pendant que ses copains révisaient, le petit Ken devenait écrivain. Oui, je pense qu'à m'amuser, mais pour la coupe, j'ai donné de kill. Hey, screw, 1995, on a rien à foutre de rien. Blackbird, l'entourage, on a rien à foutre de rien. Nos corps fonctionnent à l'envers, on marche avec des têtes, on se sent avec un regard et on joue avec les nerfs. Moi je parle avec les mains, parfois je pense avec ma. Mais je touche avec mes pensées, j'écris avec le cœur. J'en ai rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien. Ya no se presenta a Johnny Hallyday, solo decir que después de Aznavour y Julien Greco, es el artista todavía en actividad más longevo. Y es el segundo en el palmarés de estas victoires de la musique, con 10 victorias y una de honor en el 2009. Ganó en esta ocasión por el mejor álbum de canciones con su álbum De l'amour. No es fácil que te abandonen, de sentir que pierdes pie. Pensábamos que todo estaba bien atado, pero el suelo se pone a temblar. De l'amour de Johnny Hallyday. Facile de se faire un beau jour lâché, de perdre prise, de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je pensais qu'on était parti pour des années, comme le boulot que je venais de trouver. Mais là-bas, toi ne veux plus embaucher. Il ne me reste plus qu'un seul projet. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ouais. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. J'en avais trop, j'en avais trop. Pour nous deux, Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. De quelle façon faut savoir encaisser. Si le ciel pouvait au moins se lever, on pourrait aller enfin le décrocher. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'était maintenant, c'était métro, je m'en vais. C'était maintenant, c'était métro, je m'en veux. Et je sombre pour nous deux. Hey! Je t'aimais tant, je t'aimais trop, je m'en veux. Je t'aimais tant, je t'aimais trop, je m'en veux. Et je sombre pour nous deux. En la categoría Mejor Álbum Rock ganó Les Innocents con su álbum Mandarine. En su composición actual es un dúo compuesto de Jean-Philippe Nataf y Jean-Christophe Urbain desde hace solo 3 años, pero los dos llevan en la música desde los años 80. Vamos a escuchar el tema Les Philharmonies Martiennes. Es la historia de dos amigos alejados por el tiempo y el espacio. Espero volver a encontrar el gesto hermano y el hilo de las filarmonías marcianas. Les Philharmonies Martiennes del álbum Mandarine de Les Innocents. Taïté ça et là. Taïtinéré, je suis ça. Que tu t'adores là-haut. Brigue l'or et le fer ailleurs. T'as été à ça de moi. T'as ôté tous mes totems. Ça ne me surprend pas. Mais ça ne prend pas le pas sur nos vieilles lunes. Sur le pas que j'espère faire, ouh, retrouver mes gestes frères, faire, ouvrir les vents, plier les temps contraires, qu'on s'y retire au clair, retendre amis, nos violons et le fil des philharmonies. Qu'il me reste faire, Et si le temps se laisse faire, j'espère. Vamos a escuchar a Yusufa, que perdió contra Nefke en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana, con su álbum NGRTD, lo que significa negritud. Yusufa también nació en el Congo, antiguo Congo belga, como Maître Jim, y también es hijo de otra leyenda de la rumba congolesa, Tabula y Rochereau. Lleva 15 años en eso de la música y ya recibió un disco de platino por su precedente álbum Noir D, en el que su padre le acompañaba en varios temas. Vamos a escuchar Où est l'amour, ¿dónde está el amor? Prefiero morir incomprendido que pasar toda mi vida explicándome. Mi álbum no es el disco del año, pero ya es el del año que viene. Solo en el mundo echo de menos a mi madre un montón. Où est l'amour de Yusufa. Album, l'amour encore, je compte et j'entreprends. Je garde mes codes même si ma cote est montée entre temps. Je me vois en big sur les affiches, en big sur les écrans. En vrai ma vie est petite quand je mentalise à quel point Dieu est grand. Il me faut du cran Renoir, il me faut du cran. La mort m'attend, il me faut du temps donc regarde. Il me faut du temps vu que le ton est devenu aigre. Je crée de nouvelles règles. L'album c'est négritude mais il ne sort pas chez Pascal Nègre. Oh. Dites à mes sœurs que dans mon cœur elles ont le monopole. Dites à nos détracteurs que leur aigreur est monotone. Et dites aux langues de pute que je vais pas répliquer. Que je préfère mourir incompris que de passer toute ma vie à m'expliquer. Hip hop des blocs épinglés, nous on a la cote et la porte est flinguée. Faites péter les portes, mon époque est blindée. Je me téléporte et me porte en indé. Mes potes qui bloquent le rindé, la prod qui choque est teintée. J'ai à peine commencé, je rigole parce que le score a grimpé. Dites aux petits frères de chez nous que la rue est redoutable. Et dites à Zemmour qu'il s'étouffe, je suis jugé non coupable. Dites à ma clique que la France peut être immonde. Dites à Malik que j'étais un moins que rien avant qu'il vienne au monde. Depuis je mêle amour, violence et colère. Flot insolent, j'ai mis un cheveu sur la langue de Molière. Putain, j'suis tellement en avance, bordel. Mon album n'est pas le disque de l'année, c'est déjà le disque de l'année prochaine. Seul au monde, ma mère me manque au maximum. Étrangement, parfois je l'entends dans la voix de Nina Simone. Oh, oh. Dites aux rappeurs qu'on revient fermer des gueules dans ce rap game. J'suis pas le meilleur, non, non, non, je suis le seul, mon Dieu. Redites à CHI que sa musique est visionnaire. Dites à Philo, tant que je rappe, il sera millionnaire. Et dites à mon public que je n'ai pas de talisman. Que seule la foi me guide quand je gagne ses applaudissements. Oh. Rims parolier. Je n'avais rien à perdre, maintenant j'ai gagné vos applaudissements. Je n'avais rien à perdre, maintenant j'ai gagné vos applaudissements. En la categoría Mejor Álbum Música del Mundo, ganó el álbum Homeland de Indy Sara. Indisara nació en Marruecos en una familia de artistas bereberes y canta además de en inglés, en francés, en bereber y en darilla. Vamos a escuchar el tema Un jour, un día. Un día de lluvia, un día de duda, se cruzó, usted se cruzó en mi camino. Un amor más grande que el día. Usted, el extranjero, usted, el desconocido, ha dejado en mi pluma palabras amargas, palabras perdidas, palabras de una tristeza absoluta. Una mirada tierna de usted ha puesto mi corazón de rodillas. Un jour de Indisara. Thank you. Vamos a despedirnos con la ganadora del mejor clip video, Christine and the Queens, con su tema Christine, que ya ganó en esta categoría el año pasado, así como el mejor como mejor artista femenina el año pasado. Tiene 27 años y se puede calificar de electropop su estilo musical, y se define ella como pansexual, todo un programa. Comienzo los libros por el final y alzo el mentón por nada. Mi ojo que llora es a causa del viento, mis ausencias es sentimiento. Recordaros que nos vemos el segundo lunes del mes a las 11 y también podéis volver a escuchar estos programas en el podcast de la chanson en la página web de Radiopolis unos días después. Hasta luego, escuchamos Christine de Christine and the Queen. Yeah.